pieds nus sur le parvis. Ich hab keine Zeit für die Sadness, ich nehme keinen Sortes Besuch, alles da zieht in. Meine Chica ist ja los für Lokazis, sind's ratschet du nicht der Klettig, wo Spazis sind. Ey, illegal, ich bin auf Zug nach die Fisa. Ich hab den, du suchst, das wäre Hadisha, San La Valisa, Richtung Ibiza. Pass die Ballantan, shop nu in Landan. Ich bin mit NS, leih in die NS. Shop halt die Blackbox, suche auf Airbox. Shop halt die Blackbox, mit Kopier Dreadblocks. Ich hab die Ami, ich störe nach Lille, Palabril, Talavin, Bril, Tarakai. Was unterweg, Richtung Dusso, mit Tai. Wann mein Leben was Tai, und sie kennen den Ritjai. Hazarazia, was für der Hecke Panatia. Was für der Hecke in der DBS. Mama, geh weg mit der WPS. Marsilia, je trouve ta trace dans le GPS. Dans le Porsche 718 GTS. Elle est dingue, dingue, dingue de moi. Pas de mes amis. J'entends le bruit taper du 6.3. Dans les rues de ma ville. Je la quitte, quitte, quitte, quitte, quitte. Sans préavis. Elle s'entend pas choquer, je la laisse solo. Sur le parvis. Je suis des aides illégales de mafia. On est devenus des mafieux, des mafiosi. Envoie-nous un coup d'affia. J'envoie que des coups de gaz, bébé, bébé dans l'olive. Fais la mala, mili mili. Si tu parles mal, gili gili. J'suis pas rapta, mili mili. J'ai la balafre, plus personne dans mon ghetto. J'ai mis de côté le réseau. J'vais sortir, j'top line dans le vaisseau. L'inspi vient du vaisseau, j'rassors du coffee. La mafia, mon son IP jusqu'à Massilia. Je retrouve ta trace dans le GPS. Dans le Porsche 718 GTS. Azalazia, boss va de gekke panacea. Boss va de gek in de TBS. Mama, ga weg met je TBS. Elle est dingue, dingue, dingue.